Chapitre 33e. Béot parti, le baron se demanda s'il avait eu raison de ne pas prendre la lettre que celui-ci voulait lui confier. Assurément, il y avait des avantages à la tenir entre ses mains, car sans savoir ce qu'elle contenait, il était bien certain que ce n'était point une lettre innocente. Béot parlait de son amour et de l'engagement pris par Carmélita. Assuré que Carmélita serait seule à lire cette lettre, il s'exprimait en toute franchise, entraîné par la passion. Remise au colonel, elle serait plus que suffisante pour l'éclairer. Et cependant, il ne l'avait pas prise. Pour chercher le mieux, n'avait-il pas laissé échapper l'occasion qui se présentait si belle? Il avait fallu toute la confiance que lui inspiraient l'intelligence et l'expérience de Madame de Lucilière pour retenir sa main et repousser celle que lui tendait Béot. Mais cette détermination, prise à l'improviste et sans avoir pu la peser, sans l'examiner lentement, comme il avait coutume de faire dans les circonstances graves, n'était pas sans le jeter dans le doute et l'inquiétude. Si le plan qu'il avait adopté si vite, sans l'avoir étudié, allait ne pas réussir, il était bien hardi, ce plan, et bien aventureux, car il ne s'agissait de rien moins que de rendre le colonel témoin de l'entrevue qui aurait lieu entre Carmélita et Béot. À coup sûr, cela était audacieux, mais aussi quel résultat décisif et triomphant. Ce n'était plus une lettre sur laquelle on pouvait discuter et dont il fallait prouver l'authenticité, ce qui était assez délicat, car il fallait appeler Béot en cause. Que dirait celui-ci lorsqu'il verrait l'usage qu'on avait fait de sa lettre? Ces Italiens sont vindicatifs, et ils vont loin lorsqu'ils veulent se venger. Pour eux, un coup de stylet est bien vite donné, et s'ils ne veulent pas agir eux-mêmes, ils sont habiles à trouver des instruments dociles. Or, bien qu'il fût brave lorsque la bravoure était absolument nécessaire, le baron n'aimait pas à se risquer inutilement. En rendant le colonel témoin de l'entretien de Carmélita et de Béot, le baron n'avait point à courir ce danger, pas plus qu'il n'avait à intervenir directement dans des explications et des preuves plus ou moins difficiles. Le colonel voyait de ses propres yeux, donc il ne pouvait pas récuser le témoignage. De ses propres oreilles, il entendait. Et qu'entendait-il? Là était la question décisive. Mais à vrai dire, elle ne tourmentait pas beaucoup le baron. Bien que Béot n'eût point expliqué de quelle façon il avait obtenu l'engagement de Carmélita, le baron était fixé à ce sujet. Carmélita était une fille passionnée, cela se lisait dans ses yeux noirs, dans sa bouche charnue, dans ses lèvres sensuelles. Et elle avait la chaleur du midi dans le sang. Elle était de race latine, et qui plus est encore, de race italienne. Les principes ethnographiques, auxquels il croyait fermement, indiquaient qu'elle n'avait pas dû aimer Béot d'un amour idéal. C'était sur un fait matériel que cet engagement reposait. Il était donc bien certain que dans une explication comme celle qui s'engagerait entre Béot et Carmélita se croyant seuls, il se lirait des choses suffisantes pour éclairer le colonel sur le passé de sa fiancée. De cela, le baron n'avait pas le moindre doute. La lumière serait éblouissante. Mais ce qui le préoccupait beaucoup plus, c'était la manière d'amener et de régler cette entrevue. Tout d'abord, il fallait réunir chez lui en même temps Carmélita, Béot et le colonel. Puis, il fallait que Béot et Carmélita se crussent assurés contre toute surprise, de telle sorte qu'il se laissa s'entraîner à parler en toute franchise, à agir en toute liberté. Enfin, il fallait placer le colonel dans des conditions où ce serait le hasard seul qui lui ferait surprendre cet entretien. Il y avait là un ensemble qui présentait de sérieuses difficultés, car rien ne devait manquer. Au même moment, ces trois acteurs devaient se trouver nécessairement en face les uns des autres. Mais le baron n'était pas homme à s'embarrasser des difficultés. La première chose à faire, c'était d'arrêter le lieu où devait se passer la scène. Pour cela, il fallait une pièce dans laquelle Béot attendrait l'arrivée de Carmélita. Puis il en fallait une seconde où l'on placerait le colonel. Enfin, il en fallait une troisième, en communication avec les deux premières, où l'on ferait entrer Carmélita et où l'explication se produirait. Malheureusement, l'hôtel du baron ne se prêtait pas à cet arrangement idéal, et du jour au lendemain, on ne pouvait pas le machiner comme un théâtre, qu'on dispose selon les exigences de la mise en scène. Le baron dut se contenter de ce qu'il avait, et suppléer par l'habileté à ce qui matériellement lui manquait. Une serre occupait le milieu du jardin et s'appuyait sur l'autel, communiquant avec le grand salon par de larges baies qu'on tenait ouvertes ou fermées à volonté, avec des portes-fenêtres ou avec des stores. Ce fut cette serre que le baron choisit pour le lieu de la scène entre Bayot et Carmelita, et ce salon pour y apposter le colonel. Quant à Bayot, il se tiendrait dans le jardin, caché n'importe où. On ferait tout d'abord entrer le colonel dans le salon, dont les fenêtres en communication avec la serre seraient fermées par les stores. Ensuite, on introduirait Carmelita dans la serre, où on la laisserait seule, et où Bayot viendrait aussitôt la rejoindre. Du salon, le colonel entendrait tout ce qui se dirait dans la serre, et il arriverait certains moments où, si peu curieux qu'il fût, il voudrait voir ce qui s'y passait. Mais, pour mener à bien ce plan ainsi disposé, le baron avait besoin d'un aide. Il prit sa fille. Seulement, il ne jugea pas utile de lui expliquer à quoi il l'employait. « Ma chère enfant, lui dit-il, quand tout fut prêt, nous avons une surprise à faire à Carmelita. Quand je dis nous, il faut entendre le colonel Chamberlain, qui a besoin de lui parler en particulier et qui ne veut pas lui demander cet entretien. Il faudra donc qu'un de ces jours, tu amènes Carmelita avec toi, ici. Tu la feras entrer dans la serre, et sous un prétexte quelconque, tu la laisseras seule. Le colonel, qui sera dans le salon, ira la surprendre. C'est un service qu'il m'a demandé, et que je puis d'autant moins lui refuser, que je crois qu'il s'agit de choses sérieuses. Quelles choses ? Oh, je n'en sais rien, et nous ne devons même pas chercher à le deviner. Ainsi, je te recommande la discrétion. Il n'est pas à craindre que je parle, puisque je n'ai rien à dire. Enfin, fais ce que je demande aussi simplement que possible. Il se peut que j'assiste à cet entretien. Alors, tu seras la première informée de ce qui se sera passé. J'ai comme un pressentiment que le mariage de Carmelita avec le colonel n'est pas encore fait. Oh, papa, chut !» Et le baron, mettant un doigt sur ses lèvres, se retira discrètement. Il en avait dit assez. Cela fait, il se retourna vers Bayot et l'alla trouver chez lui. Car en pareille affaire, il ne lui convenait pas d'écrire. Les lettres se gardent. « J'ai arrangé les choses, dit-il, ou plutôt je les ai préparées. Voici ce que j'ai imaginé. Cela n'est peut-être pas très habile, car je reconnais que je n'entends rien à l'intrigue, mais il me semble que ce que j'ai en vue peut néanmoins réussir. Je fais venir Carmelita chez moi, et on l'introduit dans la serre, où on la laisse seule. Aussitôt vous, qui vous promeniez dans le jardin en prenant la précaution de ne pas vous laisser voir, vous vous glissez derrière elle, et la porte de la serre refermée par vous au verrou, vous vous expliquez, sans crainte d'être entendu ou dérangé par personne. Vous trouverez dans cette serre un coin où vous serez caché comme dans un bois. C'est auprès de la grotte, dans le fond, contre le mur de la maison. Amenez-la dans ce coin, et ne craignez rien, vous y serez chez vous. » Bayot trouva cet arrangement très heureux. Cependant, il proposa au baron une légère modification. Si, au lieu d'attendre l'arrivée de Carmelita dans le jardin, il l'attendait dans la serre même, caché dans la grotte ou derrière un arbuste. Mais le baron n'adopta pas cette combinaison, qui pouvait faire échouer son plan. En effet, Bayot, s'introduisant le premier dans la serre, pouvait appeler l'attention du colonel, tandis que c'était la voix de Carmelita qui devait frapper cette attention. « Non, dit-il, j'aime mieux le jardin. Dans la serre, il y aurait préméditation de votre part et complicité de la mienne. Il vaut mieux que cette rencontre arrive par hasard. Vous voyez Carmelita entrer dans la serre, vous la suivez, rien de plus naturel. » Enfin, le baron s'adressa au colonel pour un service à lui demander, un renseignement sur l'Amérique, qui ne pouvait être précis qu'en ayant sous les yeux une masse de lettres. Le colonel promit de se rendre le lendemain à l'hôtel de la rue du Colisée. Mais ce n'était pas assez. Il fallait préciser l'heure. Le colonel indiqua 3 heures de l'après-midi. Aussitôt, le baron prévint Bayot de se tenir prêt pour le lendemain, et en même temps, il envoya Ida chez Carmelita pour l'avertir que le lendemain, vers 2 heures et demie, elle viendrait la chercher pour sortir en voiture. Tout était prêt.